arrive aussi. Si tu sens que ça serre, t'as qu'à te laisser faire. Tu veux respirer, t'as qu'à lever les pieds. Tiens bon la bande, tiens ton parapluie. Garde ta panoplie, nous on arrive aussi. Hey, si tu sens que ça serre, t'as qu'à te laisser faire. Tu veux respirer, t'as qu'à lever les pieds. Ça va aussi que le carnaval de Dunkerque. C'est le fait de payer par l'armateur en fait, à l'occasion en fait, de leur sortie pour la pêche à l'Islande, qu'on appelait ça à l'époque. Donc, du coup, c'est un respect. En fait, pourquoi on fait carnaval de Dunkerque? En respect à ces pêcheurs-là. En fait, l'armateur payait un festin, un repas, tout ça, etc. qu'on appelait la feuille. La feuille qui s'est popularisée au fur et à mesure du temps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pourquoi ils pouvaient payer ce genre de choses et tu donnais aussi leur dimanche à ces gens-là. Parce que justement, derrière, Comment dire ça? Parce que derrière, en fait, les mecs, on savait pas s'ils allaient revenir. C'est ça le problème, parce que la pêche, c'est vrai que c'était quelque chose de dangereux à l'époque. Donc, du coup, c'est pour ça qu'ils faisaient la fête qu'on appelait carnaval. Enfin, c'était la foille à l'époque. Ça s'est popularisé, après, les gens, ils ont commencé à sortir dans les rues et tout ça. Ça s'est perdu, c'est revenu. Même pendant la guerre, ça s'est perdu, mais c'est revenu derrière. Et là, par exemple, le carnaval tel qu'on connaît aujourd'hui, il est venu après la guerre, en fait. Donc c'est apparu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait en sorte que le carnaval revive de ses cendres en fait? Parce qu'après la guerre, forcément, il n'y a plus rien. Et donc du coup, on a eu un tambour majeur. On a eu un tambour majeur Copina, ici, de 1959 à 1988. On le vénère au plus haut point. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a refait vivre vraiment la bande de Dunkerque, comme dans le temps. C'est ça en fait. C'est pour ça qu'on le vénère. Jean Barre, on le vénère parce que c'est un corsaire dunkerquois. Le corsaire dunkerquois, il était au service de Louis XIV durant son règne. Et en fait, Jean Barre, il a sauvé la France de la famine à l'époque. Alors justement, en allant piller des bateaux pour pouvoir, par exemple, pour avoir des vivres, tout ça. Et il revenait en France avec tout ça, etc. Après, il y a Manoch, celle qu'on dit, sa jambe de bois, la casse de sa jambe de bois. Elle, c'était une poissonnière à Dunkerque. Et cette femme, en fait, elle hurlait « Bon, du poisson, enfin, une poissonnière, quoi !» Et elle est hyper connue en fait par rapport à ça. Elle a perdu sa jambe en fait, elle a une jambe de bois cette femme. C'est ça Manoj. Après c'est des histoires, enfin voilà. Je les connais, je pourrais pas tout vous expliquer convenablement, enfin je le passe par écrit en réalité. Mais c'est déjà pas mal je pense, c'est déjà une bonne base quoi. Fayou, Fayou, la Fayou, la Fayou.